السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc, cher frère, Allah Azza wa Jal, on est arrivé au 31e bénéfice tiré de la recommandation de Luqman, le sage, à son fils, Surat Luqman. Et cher Abdel Zakr al-Badr, hafidhahu Allah ta'ala, il dit: الفائدة الحادية والثلاثون أهمية اختيار الجليس فليس للمؤمن أن يجلس مع من شاء وكم قد يحصل من ضرر للإنسان بسبب الجليس فالعبد مطالب بأن لا يجلس مع كل أحد وإنما يجالس أهل الخير والفضل وهذا أيضا مستفاد من قوله سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي. Le 31 bénéfice, c'est que le cheikh dit l'importance. On avait vu tout à l'heure, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Luqman, l'importance de choisir la personne avec qui on s'assoit. Car il n'appartient pas au croyant de s'asseoir avec qui il veut. Combien de maux peuvent arriver à un individu à cause de la personne avec qui il s'assoit? Il est voulu du serviteur qu'il ne s'assoit pas avec tout le monde, mais il se doit uniquement de s'asseoir avec les gens du bien et les gens nobles. Ceci aussi est pris de la parole d'Allah, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Donc l'importance d'avoir un bon compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِ, l'individu à la religion ou est sur la religion de celui qu'il fréquente. Hein? 32e bénéfice, الْفَائِدَةُ الثَّانِيَ وَالثَّلَاثُونَ فضل الإنابة إلى الله ومكانة المنيبين وهذا ظاهر من قوله سبحانه واتبع سبيل من أناب إلي فجعل الله سبحانه وتعالى سبيل المنيبين سبيلا تتبع وطريقة تسلك والإنابة إلى الله تتضمن أربعة أمور محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه قال ابن القيم رحمه الله فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربعة وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. Le 32e bénéfice, parmi les 50 qu'on va citer dans ce séminaire, inshallah, la préscience de se tourner vers Allah et le statut occupé par ceux qui se tournent vers Allah, al-muniboun. Et ceci est apparent dans la parole d'Allah, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. Car Allah a fait du sentier de ceux qui se tournent vers lui une voie à suivre et un chemin à prendre. الْإِنَابَ, donc le mot مُنِيب qui vient de الْإِنَابَ, أَنَابَ يُنِيب ou إِنَابَةً, se tourner vers Allah comporte 4 degrés. Aimer Allah, se soumettre à lui, se tourner vers lui, et se détourner de tout autre que lui. Donc aimer Allah, se soumettre à lui, se tourner vers lui, et se détourner de tout autre que lui. Ibn Qayyim, il a dit une belle parole, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, n'a le droit d'être appelé munib que celui qui a réussi ses quatre, qui a réuni ses 4 degrés. Et l'explication des plus prédécesseurs de ce mot munib tourne autour de cela. Voir Madarij Salikin, volume 1, page 434. Le 33e bénéfice, الفائدة الثالثة والثلاثون, إن أعمال العباد كلها محصاة عليهم يجدونها حاضرة يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Ça c'est un point très important, on avait parlé tout à l'heure, qu'on a parlé de la mort et que chacun d'entre nous va mourir, et que c'est une réalité que chacun va rencontrer son Seigneur et que chacun va devoir remettre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, toutes les actions des serviteurs sont recensées. On le sait, mais on oublie des fois. Et des fois, on agit comme si on oubliait cela. Toutes les actions sont recensées. Et ils les trouveront le jour du jugement dernier. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. La traduction du sens, la parole d'Allah dit, vers moi ensuite est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Le 34e bénéfice, al-fa'idatu al-rabi'atu wa-thalathun, anna shirka la burhana alayh wa la hujjata li ahlihi alayh. Wa hada ma'khud min qawlihi subhanahu wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilm. هذا مثل قوله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فالشرك أيا كان نوعه وأيا كان صفته لا برهان عليه. هذه صفة لازمة للشرك في كل أحواله وفي جميع صوره. Le 34e bénéfice, l'association n'a aucune preuve, le shirk. Et les gens qui la commettent n'ont aucune preuve pour eux. Ceci est pris de la parole d'Allah, « وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. » Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, c'est-à-dire que tu n'as aucune connaissance. Comme la parole d'Allah, « وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا أَخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ » Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence. Soit le Mu'minun, verset 117. L'association, on a dit tout à l'heure que c'était le péché le plus grave et le crime le plus grand d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve, et que celui qui commet un acte de grande association, il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Quelqu'un qui commet un acte de mécréance majeure, ou d'une parole de mécréance majeure, ou une association majeure, il sort de l'islam. D'où l'importance aussi d'étudier tout ce qui concerne les annulatifs de l'islam, pour ne pas tomber dans ces annulatifs-là. Parce qu'il y a des choses qui annulent l'islam, qu'Allah nous en préserve. Et celui qui meurt sur l'association majeure, il est voué à l'enfer éternel, wal'iyadu billah. Cheikh, il dit ici, l'association n'a aucune preuve, et puis il a cité le verset, et il a cité comme la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans avoir la preuve évidente de son existence. L'association de quelque type que ce soit, quelle qu'en soit sa caractéristique, n'a pas de preuve évidente. C'est une caractéristique inhérente à l'association, quelle que soit sa forme et dans quelque situation que ce soit. Le 35e bénéfice, d'où l'importance aussi, si on a des membres d'autres familles qui par ignorance commettent des actes d'association, etc., qu'on les tue avec le bon style, la bonne manière, etc., mais de leur parler, il ne faut pas laisser passer ce genre de choses, et leur expliquer que c'est des choses graves, et leur amener l'adilla, et dire qu'est-ce que les ulama disent par rapport à ça. Encore une fois, de la manière qui est quoi, qui ouvre les cœurs, comme il dit le shir tout à l'heure, etc., mais il faut faire ce travail de clarification, de bayan. Le 35e bénéfice, al-fa'idatu al-khamisatu wa-thalathun, أهمية التأكيد عند دعوة الناس إلى الخير ونهيهم عن الشر بالرجوع إلى الله ومجازاته للعبادة على قد ما قدموه في هذه الحياة. فينبغي على الدعاة مراعاة هذا الأمر في الدعوة، ولأهمية التأكيد على ذلك تكرر في قصة لقمان في قوله إلي المصير وقولي بعده إلي مرجعكم. فذا أمر يحتاج الناس إلى التذكير به مرات وكرات حتى يرسخ في أذهانهم قدومهم على الله ومجازات الله تبارك وتعالى لهم على الأعمال التي قدموها في هذه الحياة ليحسنوا الاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد. Encore une fois, cette notion de revenir vers Allah et de tout ce qui concerne le jour du jugement dernier, l'importance d'insister lors de l'appel des gens au bien et de leur interdiction du mal. Quand tu veux dire à quelqu'un, tu veux l'inciter à faire le bien, ou que tu veux lui interdire de faire un mal, eh bien, d'insister sur le retour à Allah et sa rétribution des serviteurs pour ce qu'ils ont fait dans cette vie. Il convient aux prêcheurs de prendre cela en considération lors de leur appel. Mais c'est de l'importance, de l'insistance sur ce point, que cela se répète dans le récit de l'Oqman lorsqu'il fait les recommandations à son fils. Hein? C'est « Ilayya al-Masir »« Ilayya marji'ukum » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ilayya al-Masir »« Ilayya marji'ukum » Vers moi la destination, puis vers moi ensuite et votre retour. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il te rappelle que vers lui sera son retour. Ce point doit être rappelé aux gens maintes et maintes fois, jusqu'à ce que leur retour à Allah et sa rétribution pour les actions faites dans cette vie soient enracinés dans leur esprit. Et ce, afin qu'ils se préparent comme ils se doivent pour le jour de la résurrection. Parce que c'est ça la réalité. Ici, cette vie, Même si quelqu'un vit longtemps, c'est qu'un passage court vers la vie éternelle. Ça, il faut bien comprendre. Et donc, cette, comme ils disent les ulama, le jour du jugement dernier, c'est Darul Jaza. Et ici, c'est quoi? Dar Al-Amal. L'Isti'adad. Ici, c'est le monde de la préparation, le monde des actions, pour l'autre monde qui est le monde de la rétribution. Ça, il faut bien garder ça en tête qu'ici, on n'est que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est ça le but pour lequel on a été créé. Le musulman, il n'a pas de question existentielle. Il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il existe. Hein? Il sait qu'Allah l'a créé que pour l'adorer à lui seul, subhanah. Et donc toute sa vie, elle est en fonction de ça. Et Cheikh dit donc, afin qu'ils se préparent comme ils se doivent pour le jour de la résurrection. Il y avait un cours que j'avais donné, notamment via le salon du frère, qui était tafsir de Surat Al-Qari'a. Je crois que c'était un bon rappel par rapport à ça. Et je ne sais pas si on aura le temps. Mais si on a le temps, on pourrait peut-être le faire avant que je parte samedi, Inch'Allah. Parce que je sais que quelqu'un me l'a demandé de le faire ici, parce qu'il a écouté, ça l'a beaucoup, beaucoup touché. Et il m'a demandé, il a dit, Zakla Khalani, si tu peux le faire ici, ce serait vraiment bien. C'est un cours qui est un peu long, mais c'est un cours qui, bidnillahi ta'ala, qui réveille, sarahatan. Moi, personnellement, ça m'avait touché. Comme le frère a dit, ça touche. Moi, ça m'avait touché, c'est pour ça que je voulais le partager. Et ça parle de comment les gens vont se lever des tombes, comment ils vont retourner vers leur Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Le 36e bénéfice, Al-Fa'idatu Sadisatu wa Salatu, Ihadatu ilmillahi jalla wa ala, wa annahu la yakhfa alayhi shi'un fil ardi wa la fil sama, ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi yati biha Allah, inna Allah latifun khabir. Le 36e bénéfice, Allah embrasse de sa science toute chose. Rien ne lui échappe dans les cieux et sur la terre. Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah. Inna Allah latifun khabir. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ô mon enfant, on avait dit toujours ya bunay, comme on lui parle d'une manière douce pour le recommander. Il enseigne à son fils qui va lui être bénéfique, bidnillahi ta'ala. Il dit, oh mon petit enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Le 37e bénéfice. Al-fa'idatu as-sabi'atu wa-thalathun. Athar al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. في صلاح العبد وزكاء أعماله وأن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. Essayez de retenir cette phrase là, inchallah, en arabe pour ceux qui connaissent l'arabe. أن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. Le 37e bénéfice, l'influence de la foi en les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur la vertu d'une personne et la pureté de ses actions. Ça me rappelle une parole de Cheikh Saleh Ali Cheikh, hafidahullah ta'ala, le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite. Il dit comment le musulman il peut lire le Coran et lire que Allah est Hakim, Khabir, et qu'Allah, il a cité d'autres noms, Rahman, Rahim, Al-Ghafour, Al-Jabbar, Mutakabir, etc. Et qu'il n'a pas envie de savoir qu'est-ce que veut dire ces noms. Et qu'il ne cherche pas à savoir qu'est-ce que veut dire ces noms. Il dit, le cheikh ici, l'influence de la foi en les noms et les attributs d'Allah sur la vertu d'une personne et la pureté de ses actions. Au plus le serviteur connaît son Seigneur, au plus il le craint. Et en plus, il cherchera à l'adorer au plus il s'éloignera de sa désobéissance. Le Qur'an a de manière répétitive rappelé les noms et attributs d'Allah. Le 38e bénéfice. الفائدة الثامنة والثلاثون أهمية تربية الأبناء على مراقبة الله فإذا قلت لابنك لا تفعل كذا فلا تجعله يراقبك أنت وإنما وجه مراقبة الله في أعماله فقل له مثلا يا بني صلي وابتعد عن الحرام لأن الله يراك ويطلع عليك ولا تخفى عليه منك خافية وإنك لو تفعل يا بني خطأ صغيرا ولو كان هذا الخطأ في داخل صخرة صماء أو في السماء أو في أعماق الأرض سيأتي بها الله يوم القيامة فانتبه يا بني ورقب الله جل وعلا وما أعظم نفع هذا في تربية الأبناء. يعني encore une fois فقه الدعوة. Comment tu parles aux gens, et là il parle au fait quand tu parles à tes enfants de manière plus particulière, une manière de parler, une manière d'éduquer. Il dit le 38e bénéfice, c'est l'importance d'éduquer les enfants sur la crainte d'Allah. C'est pas que tu les éduques à te craindre toi, tu les éduques à craindre Allah. Parce que toi, il se peut que tu sois là, il se peut que tu ne sois pas là. Et éduque-les à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'éducation qui réussit. Bidnillahi ta'ala. Si tu dis à ton fils, ne fais pas ceci, ne le fais pas de manière à ce qu'il te craigne toi, mais oriente-le vers la crainte d'Allah dans ses actions. Tu lui dis par exemple, soit ton fils, soit ta petite fille, tu lui dis, oh mon fils, prie et éloigne-toi du haram, de l'illicite. Car Allah te voit. Il sait ce que tu fais. Et rien de ce que tu fais ne lui échappe. Oh mon fils, si tu venais à faire une petite erreur, et si cette erreur est à l'intérieur d'un rocher massif, ou dans le ciel, ou dans les profondeurs de la terre, Allah le fera venir le jour du jugement dernier. C'est ça, quand tu éduques les enfants comme ça, tu vois Thamarat. Moi je suis enseignant dans une école islamique, et un enfant, un jour j'ai voulu le récompenser. Il a refusé la foi, il a dit, Wallah, Oussaid, je l'ai fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. يعني صراحة أني ما لا إله إلا الله سأجني بارك فيه سبحان الله le petit il a refusé il a dit non j'ai pas fait pour toi au stade je l'ai fait pour Allah رب العالمين j'ai fait pour personne c'était pour Allah regardez التربية الناجحة بإذن الله شيخ ربيع un point ici d'Ibn Hadi al-Madkhali qu'Allah le préserve dit dans la référence précitée page 479 un rocher massif dont personne ne peut accéder à son intérieur. Allah sait ce qui s'y trouve et fait sortir de ce rocher le poids d'un atome. Ça nous devrait faire réfléchir aux choses qu'on essaie de faire en cachette. Sache que même quand tu es seul, dans l'obscurité, etc., Allah te voit et Allah il sait tout, il entend tout, il voit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc sois pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala et honte de faire le haram. Alors que tu sais, alhamdoulilah, alors que tu sais qu'Allah te voit, tu sais qu'Allah entend tout, tu sais qu'Allah voit tout, tu sais qu'Allah sait tout. Et c'est ça qui va t'empêcher, même quand tu es tout seul, tu es sûr que personne ne te voit, mais tu sais qui te voit, tu sais qu'Allah te voit, et tu sais qu'Allah entend. Donc ça va t'empêcher de faire ce qui n'est pas correct, ça va te pousser à faire ce qui est correct. Il dit donc, le cheikh ici, prends garde dans mon fils et crains Allah le Très-Haut. Comme est bénéfique cette manière d'éduquer les enfants. الفائدة الثامنة والثلاثون إن الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهو مأخوذ من قول الله تعالى إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. Le 39e bénéfice qu'on prend de ces versets de Sourate Luqman, c'est la mesure de poids, le jour du jugement dernier, est en poids d'atome. Puis il a cité le verset, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. On lit souvent ces versets-là, ça ou là là. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et ceci est pris de la parole d'Allah, inna intakum mithqala habatin min khardalin, fût-ce le poids d'un grain de moutarde. Le 40e bénéfice. Al-fa'idatu al-arba'un. Inna al-madhalima la tadi'u in qallat. وكل مظلمة سيؤتى بها يوم القيامة حتى إن كانت أمرا قليلا وشيئا يسيرا. ولهذا قال بعض المفسرين في معنى إنها إن تكون مثقال حبة من خردل يعني المظلمة لو كانت صغيرة جدا يأتي بها الله جل وعلا. Encore une fois, le fait d'être injuste, c'est faire attention de ne pas être injuste. On a dit tout à l'heure un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ça c'est par rapport au fait de calomnier un croyant, de dire quelque chose qui n'est pas vrai sur lui. On a dit quoi tout à l'heure ? Man qala fi mu'min ma laysa fi askanahu Allah radghat al-khabal hatta yakhruj minhu. Celui qui dit sur un croyant quelque chose qui n'est pas en lui, une calomnie, un mensonge, Allah le fait habiter dans le pu des gens de l'enfer. Le pu des gens de l'enfer. Cheikh Rabi, il dit que c'est l'endroit le plus nauséabond. On sort à l'Innar, comme les ulama ont expliqué, jusqu'à ce qu'il sorte de cette parole. Ce n'est pas une mince affaire. La justice, ce sont les obscurités des ténèbres le jour du jugement dernier. Attention de ne pas être injuste. De ne pas être injuste dans la parole, dans les actions, dans tout. Et, nasiha, chacun sait ce qu'il a fait, ça. Vous avez remarqué dans les cours, on ne met pas le doigt sur quelqu'un de particulier. Hein? Ce n'est pas notre travail. Déjà, si je mets un doigt, c'est sur moi-même d'abord déjà. Hein? Donc, nous, ce qu'on dit, on met les gens dans une situation, ils réfléchissent sur eux-mêmes. Si quelqu'un ici, il est assis ici ou qui nous écoute, qu'il a commis une injustice, que ce soit dans l'argent, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actions, qu'il aille vite, même envers un homme musulman, qu'il aille vite réparer ça, avant que ce soit trop tard. Et son iman, sa crainte d'Allah, hein, et sa crainte d'Allah, et ça, son iman au jour dernier, le fait qu'il va devoir rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit te pousser directement à faire ce qu'il faut faire. Et ça va pas te, inchallah, ça va pas te diminuer, au contraire. Les gens vont respecter ça. Et puis, il faut faire ce qu'il faut faire de toute façon. Qu'est-ce que tu préfères ? Faire face à quelqu'un à qui tu as commis une injustice ou faire face à Allah Rabbil Alamin avec cette injustice ? Tu choisis. Ça, c'est, j'ai dit, c'est une nasiha de ma part. Mais que si quelqu'un, il a quelque chose que ce soit parmi les choses qui sont du domaine de l'injustice, que ce soit ici ou dans un autre pays, une personne, que ce soit ici, une personne ailleurs, dans les actions, les paroles, l'argent, quoi que ce soit, qu'il répare vite avant que ce soit trop tard. S'il peut le réparer encore ce soir, qu'il le fasse. Hein, avant qu'il soit trop tard. Imagine-toi, Allah, il prend ton âme ce soir. Et c'est ça, comme ça qu'il faut réfléchir. Ça, oh là là. Imagine-toi, là, même que ce soir, maintenant, tout de suite. Allah te prend. C'est trop tard. Tu dis demain, non, Inch'Allah, Kada, Inch'Allah. Quand? Yani, ça c'est vraiment très très important. Très très important de faire tawbah d'Allah. Et quand c'est un droit qui est lié au droit des fils d'Adam, une des conditions de tawbah, c'est de réparer le mal. C'est de réparer le mal. Tu as dit quelque chose sur quelqu'un, tu demandes pardon. Tu as pris que sur quelqu'un, tu lui rends, tu demandes pardon. Le cheikh dit ici, et ceci est pris de la parole d'Allah, إِنَا إِنْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. Plus le poids d'un grain de moutarde. Mais qu'est-ce que ça va peser un grain de moutarde? Et tout est pesé. Tout a son poids. Toute chose, elle sera prise en considération. Le 40e bénéfice, al-fa'idatul arba'un. Les injustices ne sont pas perdues, c'est à ça que je voulais arriver en fait, et ce même si elles sont moindres. C'était ça le 40e. Chaque injustice sera amenée le jour du jugement dernier. Et ce même si c'est une petite affaire ou une petite chose. C'est pour cela que certains exégètes du Coran ont dit au sujet du sens de inna intakum mithqala habatin min khardalin. Plus le poids d'un grain de moutarde. C'est-à-dire l'injustice, le préjudice. Et c'est même si elle est extrêmement petite, Allah la fera venir le jour du jugement dernier. Si quelqu'un va se dire, oh, mais j'ai fait du mal à un non-musulman, si je vais, il va avoir une mauvaise image de l'islam. C'est pas le contraire. Hein? Que tu lui dises, voilà, je me suis repenti à Allah, je suis revenu vers la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ma croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique que je vienne et que je te demande pardon, que je te remette ton droit. Regardez quelle da'wah. Regardez quelle da'wah. Yani, ma croyance en Allah, Rabbil Alamin, et aujourd'hui, le jour dernier, que je serai jugé, elle implique que je sois juste envers les gens, et pour ça, je viens et je te dis voilà, et je te remets ceci, cela, etc. Et on dit que le da'wah, c'est peut-être même une cause de conversion à l'islam, tu ne sais pas. Le 41e bénéfice, le fa'idatul bahadiatul arba'un, l'imam bi ismi illahi latif, والخبير وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم واسم الخبير راجع في مدلوله إلى العلم بالأمور الخفية التي هي في غاية اللطف والصغر وفي غاية الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمه بالظواهر والجليات أما اسم اللطيف لجسبيكم فكلي دونو اللطيف الخبير لجسبيك اللطيف له معنيان أحدهما بمعنى الخبير والمعنى الثاني الذي يوصل إلى عباده وأوليائه من صالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. Le 41e bénéfice, la croyance aux deux noms d'Allah, parmi les noms d'Allah, c'est Al-Latif, l'infiniment doux, et Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Puis il explique ces deux mots, il dit ces deux noms. Ces deux noms ont été rapportés de maintes fois ensemble dans de nombreux versets du livre du Coran. Il aurait été intéressant de parler de pourquoi souvent deux noms sont cités ensemble à la fin d'un verset. Les ulémas expliquent ça. Al-Khabir, son sens revient à la science des choses invisibles qui sont d'une extrême subtilité et d'une extrême petitesse et d'une extrême invisibilité. Il est donc plus évident alors qu'Allah sait les choses visibles et apparentes. Le premier, tandis que le nom de Al-Latif, Al-Latif, il a deux sens, lui. Un sens, c'est le sens de Khabir, parfaitement connaisseur. Et le deuxième sens, celui qui fait parvenir à ses serviteurs et ses alliés leurs intérêts avec douceur et bienfaisance par des voies dont ils n'ont pas conscience. Le 42e bénéfice. Al-Fa'idatu al-Thaniyatu al-Arba'un, makanatu al-Salati wa ahamiyatu iqamatiha. وتنشئة الصغار على المحافظة عليها فالصلاة من أعظم الواجبات وأجل الفرائض التي افترضها الله على عباده وهي عمل الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين وهي الصلة بين العبد وربه وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله وهي الفارق بين المسلم والكافر فإقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان فلا دين لمن لا صلاة له ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه ووجهه وقبره وحشره وكانت له نجاة يوم القيامة وحشر مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي خلف والعياذ بالله وأبي بن خلف عفوا. Le 42e bénéfice, le statut et la position de la prière et l'importance de s'en acquitter convenablement et l'éducation des jeunes à préserver la prière. La prière a été rendue obligatoire par Allah à ses serviteurs. Elle est la base de la religion. Il est intéressant d'analyser comment elle a été légiférée. C'est la nuit de l'Isra ou le Mi'raj. Regardez cette adoration, comment et dans quelles circonstances elle a été commandée. Elle est la base de la religion et le pilier de l'islam le plus important après les deux attestations de foi. Elle est le lien entre le serviteur et son seigneur. Elle est la première chose dont le serviteur d'Allah devra remettre des comptes le jour du jugement dernier. La salat, la prière. Si elle est correcte, tout le reste des actions seront correctes. Et si elle n'est pas, tout le reste de ses actions ne le seront pas. Et quand tu entends cela, est-ce que ça ne te pousse pas à faire ta prière? Si tu l'as fait, alhamdoulilah, si tu l'as fait à temps, alhamdoulilah, mais de la faire mieux, avec du khushu', etc., et de parfaire ta salat. La salat, c'est quelque chose qui se parfait, qui se complète. Au plus tu apprends sur la salat, hein. Il y a un très bon livre de Cheikh Al-Albani qui s'appelle La description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, qui décrit la prière en détail. Il dit, le cher ici, elle est ce qui différencie le musulman du mécréant. Le fait de s'en acquitter est un acte de foi. Et le fait de l'abandonner est une mécréance. Pas de religion pour celui qui ne prie pas. Et n'a aucune part en islam celui qui abandonne la prière. Il fait référence au hadith, l'ahadu bayna alladhi baynana wa baynahum as-salah fa man taraka faqad kafar. Et d'autres hadiths. Celui qui la préserve, elle sera une lumière pour lui dans son cœur, et sur son visage, et dans sa tombe, et lors de sa résurrection. Quand j'étais à Montpellier, ou dans la région Montpellier, on a parlé de Qiyam al-Layl. On a parlé d'une dua que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait, qui rapportait dans Sahih Muslim, lorsqu'il priait la nuit. Déjà, ce que nous, on prie la nuit. Hein? Et Abdullah Mubarak, il y a des gens qui sont venus lui poser des questions, il lui a dit, et Cheikh, il a dit, pourquoi ces gens-là, ils ont le nom, ils ont un visage lumineux comme ça? Il a dit, ha'oula, اقتبسوا من نور الله فألبسهم الله من نوره. Et puis il a lu le verset du Coran, وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Il dit, pourquoi ces gens-là, ils ont le visage, ils ont le nour sur le visage, hein? Il a dit, ces gens-là, ils ont pris de la lumière d'Allah et Allah les a vêtus de sa lumière. Et il a récité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction du sens est, et ils dormaient peu la nuit. قيام الليل. Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir du tout la nuit. Et comme Cheikh Al-Fawzan il dit, il y a des moments, des rendez-vous azim la nuit, comme le dernier tir de la nuit, où Allah il descend au ciel terrestre. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un que je lui donne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Et il dit, Cheikh, il ne faut pas être comme un cadavre. Regardez l'image, un cadavre. Naïm. Alhamdulillah, s'il prie ici, il se lève pour ça, il fait. Non, il ne faut pas qu'on soit comme ça. Il faut essayer de s'éduquer et d'éduquer nos femmes et nos enfants à prier le lait. De les réveiller. De réveiller nos épouses et que les épouses, elles réveillent leur mari, hein, pour faire prier le lait. C'est ça le foyer qui est. Hein, il y a le foyer qui est sur la piété. Une famille comme ça. Imaginez-vous une famille comme ça, alhamdulillah. D'accord ? Salah Azza wa Jalla, mon tawfiqi, subhanahu. Et pour ça, parce qu'il parlait de lumière sur son visage, et dans sa tombe, et lors de sa résurrection. Nous, on cherche toujours à avoir des beaux visages, ça, oulala. Hein ? Il y a quelqu'un qui dit non, je n'ai pas un beau visage. Non, ولكن يعني il y a des comme le hadith, نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. Cheikh Abdelazak Bala dans un cours, il dit, ce hadith du prophète Sassam, c'est une doua en fait du prophète Sassam qui dit نضر الله امرأة. C'est-à-dire جعله ذا نظارة, qu'Allah donne la beauté à quelqu'un qui entend ma parole, qui entend le hadith. C'est pour ça les gens du hadith, quand vous allez chez les ulama, les gens du hadith, regardez leurs visages, ils sont magnifiques. Regardez le visage de Cheikh Rabia par exemple. Le visage de Cheikh Mohsen Al-Abbad. Hein? Allah leur a donné le nour sur le visage. D'accord ? C'est quoi ? Que Allah embellisse de la beauté à quelqu'un qui entend ma parole et qui la fawa'aha fa'addaha kama sami'a, qui la répète comme il l'a entendu. Donc, Cheikh Abdelazak Bala, comme Nasser, il dit au moins le musulman qu'on entend ce hadith, au moins tu mémorises un hadith pour entrer dans cette doua. Musiba, c'est une calamité si quelqu'un connaît, un musulman ne connaît même pas un hadith. Il y a des hadiths qui font que quelques mots. Ça, oh là là. C'est pas difficile d'apprendre. Les enfants chez nous à l'école, ils connaissent déjà presque 42 hadiths de Nawawi à l'école. Alhamdulillah. Des enfants. Ils essaient d'apprendre. Ils essaient d'apprendre le hadith, ils essaient d'apprendre, etc. Ils essaient d'apprendre le sens des hadiths, etc. Je connais un ami personnel, un très converti, il est shtahid, il est très difficile dans la langue arabe, il a appris, il a fait beaucoup d'efforts, alhamdulillah, il connaît 100 hadiths par cœur. En plus de ce qu'il connaît, 100 hadiths par cœur. Hein? Il est parti de zéro, il avait très difficile dans les lettres, dans la prononciation, etc. Et maintenant, alhamdulillah, il connaît pas mal de livres par cœur, il connaît 100 hadiths minimum. Je vous donne des exemples concrets pour que ça illustre un peu. Dans les pays musulmans, comme au Yémen ailleurs, les enfants qui connaissent Souriyat Salihin, qui connaissent Bukhari, qui connaissent Muslim par cœur, etc. Hein? Le cheikh il dit, elle sera une salvation pour lui, la prière, le jour du jugement dernier. Il sera le ressuscité parmi ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, parmi les prophètes et les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela! Et celui qui ne la préservera pas n'aura pas de lumière, ni de preuve, ni de salvation le jour du jugement dernier. Il sera ressuscité avec Pharaon et Haman et Qarun et Ubay ibn Khalaf, qu'Allah nous en préserve. 43e faïda. الفائدة الثالثة والأربعون تدريب الأبناء على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ الصغر ففي ذلك نفع لهم وللآخرين لأن الإبن إذا نشأ من الصغر داعية إلى الخير يستفيد هو ويستفيد الآخرون أما الفائدة التي تحصل له أن دعوته للآخرين تكون تحصين لهم أن يدعوه إلى المنكرات وقد قيل قديما إذا لم تدعو تدعى فإذا كان الإبن داعية إلى الخير فهذه في حد ذاته تكون له وقاية من دعاة الشر لأنهم عرفوه بأنه داعية إلى الخير فيجدون أنه لا سبيل لهم إليه أما نحو الآخرين فربما يهتدي على يديه أناس فتكون هدايتهم في ميزان حسناته قال صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم وكان خزين بنفيس. La formation des enfants à commander le convenable et interdire le blâmable dès le plus jeune âge. Il y a en cela une grande utilité pour eux-mêmes et pour les autres. Car si l'enfant est dès le plus jeune âge un prêcheur, il en tirera lui-même les bénéfices et les autres également. Hein, on a des exemples, par exemple, dans notre école, où des parents, ils ont connu la voie des salafs via leurs enfants. Les enfants, ils sont retournés du'a d'Allah à la maison. Je connais un cas d'un enfant, son grand-père il était sur son lit de mort, il n'a pas l'islam, mais le grand-père l'a accepté, il s'est converti avant de mourir. L'enfant il avait 7-8 ans. Il y a en cela une grande utilité pour eux-mêmes et pour les autres, car si l'enfant est de plus jeune âge un prêcheur, il en tirera lui-même les bénéfices et les autres également. Le bénéfice qu'il lui en tire, c'est que son appel aux autres le préservera d'être appelé lui au péché. On disait avant, il a dit le cheikh, إِذَا لَمْ تَدْعُوا تُدْعَى. Si tu n'appelles pas, toi, c'est toi qui seras appelé. Si tu n'appelles pas, tu es appelé. Donc le petit, déjà, en appelant, il va se préserver que les gens l'appellent au mal. Déjà, ça comme faïda. Donc si cet enfant est un prêcheur, un prédicateur qui appelle au bien, cela sera même pour lui une protection contre les prêcheurs du mal. Car ils savent qu'il est un prêcheur qui appelle au bien. Et donc ils ne peuvent l'atteindre. Tandis que le bénéfice qu'en tirent les autres, c'est que peut-être certaines gens seront guidés à travers lui. Leur guidance sera donc la balance dans la balance parmi ses bonnes actions. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah guide à travers toi un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Hein, les ulama disent la chamelle rousse à l'époque ça avait une grande valeur, comme la Rolls Royce aujourd'hui, quelque chose comme ça. Hein, c'est meilleur pour toi que ça. Hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Sa'd ibn Sa'd. Le 44e bénéfice, on arrive petit à petit à la fin, alhamdulillah. Al-wasiyatu bis-sabri la siyama ad-du'a ila Allah wal-amirun bil-ma'ruf wan-nahyun 'anil munkar famaqamuhum yahtaju ila sabrin 'azim wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur. Le 44e bénéfice, la recommandation de patienter, surtout pour les prédicateurs qui appellent à Allah et ceux qui commandent le convenable et interdisent le blâmable. Car leur position requiert une patience immense. Et en dire ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Le 45e bénéfice. Il fa'idatu al-khamisatu al-arba'un. Inna azaim al-umur la yanharu li fi'liha illa al-nufus al-kibar. Allahu Akbar. Cheikh il dit, le 45e bénéfice. Les entreprises, les affaires qui nécessitent une résolution forte, une résolution, ne se lèvent pour les accomplir que les fortes personnalités. Le 46e bénéfice. الفائدة السادسة والأربعون التحذير من الفخر والخيلاء في قول تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال ابن كثير أي مختال معجب في نفسه فخور أي على غيره. La mise en garde contre l'arrogance et l'orgueil. Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La traduction du sens est car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Ibn Kathir, il a dit, le grand savant d'exégèse du Coran, le grand mufassir du Coran, c'est-à-dire mortal, présomptueux, imbu de sa personne. Fakhour, orgueilleux envers autrui. Une petite faïda que je vous donne que Cheikh Rabi'a, hafidhahullah ta'ala, il explique ce que ça veut dire ce terme. Il dit, وَلَا تُسَعِلْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ne détourne pas ton visage des gens. السَّعَرْ هُوَ الْمَيْلِ السعر هو الميل لا تتكبر على الناس عندما يكلمك أحد تدير خدك هكذا هذا من الكبر يكلمك أحد فتعرض عنه وتلتفت هكذا وأنت شامخ لا هشاشة ولا انبساط يعني مستكبر ومتعال donc c'est donc le penchant ne sois pas arrogant hautain avec les gens lorsque quelqu'un te parle tu détournes ta joue comme cela hein. Il y a des gens, la lumière sur le corps, tu lui parles, hein, il tourne sa joue à par orgueil, il ne veut même pas te regarder. Ceci est de l'orgueil, le chéri dit. Quelqu'un te parle et tu te détournes de lui et tu tournes ta tête comme cela, en étant arrogant, ni amabilité, ni gaieté, c'est-à-dire orgueilleux et hautain. Il y a des gens, c'est des glaçons, des rocs, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas essayer de gentil avec lui, il est là, il ne veut pas. Hein? Et là, il te regarde, Annie, comme si, pourquoi, Alège, pourquoi? Tu oublies d'où tu viens? Cheikh Kouton expliquant, il dit فهذا نهي عن الكبر ومن آثاره أن يلوي عنقه هكذا ويسعر خده للناس يعني يلويه هكذا من الصعر هو مرض يصيب الإبل فتلتوي أعناقها فهذا زجر عن الكبر فعليك بالتواضع لله رب العالمين والتواضع لعباد الله المؤمنين وتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة ceci donc une interdiction d'être hautain. Parmi les signes de cela, c'est que tu tends ton cou comme cela. Vous allez voir que le mot en arabe, ça vient à la base d'une maladie que les chameaux ils ont. Ils ont un torticolis, leur cou il est tordu. Il tord son cou, c'est détourne des gens de manière orgueilleuse, méprisante. Cela vient de Sa'ar qui est une maladie qui touche les chameaux, dont les coups se tordent, qui ont alors un torticolis. Ceci est donc une interdiction d'être orgueilleux. Sois modeste envers Allah. Le Seigneur demande, et sois modeste envers les serviteurs d'Allah. Croyant, comporte-toi bien avec les gens. Hein, vous voyez, le Cheikh Rabi est très très strict sur l'akhlaq et sur le fait d'être bien avec les gens, de se comporter bien avec les gens. Ça, hafidhan Allah ta'ala. وَالْكِبْرُ مَدْمُومٌ جِدًّا وَيَدْفَعُ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِلَى الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَلَا يَسْتَمِعُ لِلرُّسُلِ وَلَا يَسْمَعُ لِآيَاتِ اللَّهِ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. L'orgueil est très blâmable et pousse beaucoup de gens à la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Ils sont orgueilleux et donc n'écoutent pas les messagers, n'écoutent pas les versets d'Allah. Quand on lui récite nos versets, ils tournent le dos avec orgueil, comme s'ils ne les avaient point entendu, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. حارب نفسك من الكبر خلق خبيث يدفع إلى الكفر والاحتقار الناس ولا رد الحق ولهذا هذا الحكيم وصف له أن لا يسعر خده للناس أن لا يتكبر على الناس يكلمك أحد وأنت شامخ معرض عنه تواضع أنت إنسان مسكين ضعيف خلقت من تراب خلقت من مني قدير وتتغوط وتزور الحمام مرات كل يوم كيف تتكبر كيف تتكبر على الناس وأنت هذا حالك من أنت ثم لو تصيبك شوكة تبكي منها كيف تتكبر على الناس شيخ كيسكيل دي bat-toi contre ton orgueil si tu as de l'orgueil si tu sens ça bat-toi contre ton orgueil un comportement ignoble qui pousse à la mécréance et à mépriser les gens et à rejeter la vérité c'est donc ce que ce sage a commandé à son fils de ne pas prendre un air orgueilleux de ne pas être arrogant envers les gens. Quelqu'un te parle et toi tu es arrogant, tu te détournes de lui. Sois modeste, tu es une pauvre personne faible. Tu as été créé de terre, tu as été créé de sperme mal propre. Tu vas au sel, c'est-à-dire tu vas aux toilettes, plusieurs fois par jour. Comment donc tu peux être arrogant lorsque tu es dans cet état? Qui es-tu? Puis si une épine te pique, tu pleures. Comment peux-tu donc être arrogant vers les gens, le Cheikh Rabi' al-Di Hafidhahu Allah ta'ala. 47e bénéfice. Al-Fa'ida al-Sabi'atu wal-Arba'un. Al-Da'watu. إلى التوسط والاعتدال واقصد في مشيك واغضم من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. Le 47e bénéfice, c'est l'appel au juste milieu et à la modération. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. » Le 48e bénéfice. الفائدة الثامنة والأربعون إثبات صفات المحبة لله تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور. L'affirmation de l'attribut de l'amour à Allah, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorieux. Dans l'aqidah de Ahlus Sunnah al-Jama'a, c'est qu'Allah il aime et il est aimé. Subhanah. Allah il aime et il est aimé. Donc on attribue l'attribut d'amour, mahabba, à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il lui convient, comme il convient sa majesté subhanahu wa ta'ala. Le 49e bénéfice, c'est da'wat al-shari'ati ila makarim al-akhlaq wa tahdhiruha min radi'iha. C'est l'appel de la législation islamique, al-shari'a al-islamia, au noble comportement, sa mise en garde contre les vils comportements. Le hadith du prophète Zahram dit innama bu'ithu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parachever les bons comportements. Il y a un autre hadith qui dit أثقل الأعمال يوم القيامة في الميزان حسن الخلق. L'action la plus lourde dans la balance au jour du jugement dernier, c'est le bon comportement. Vous les retrouvez dans Sahih Targhib wa Targhib al-Mundiri avec la correction de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Le 50e bénéfice et dernier pour cette série de cours, الفائدة الخمسون أهمية ضرب الأمثال في التعليم فقوله وغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. مثل بليغ فيه أن رفع الصوت الفاحش المنكر لو كان ذا فائدة لما اختص به هذا الحيوان لجعلمت خسته وبلادته. فهذه بعض الفوائد المستنبطة وتدخل في الخمير بختي إن شاء الله. Le 50e bénéfice, c'est l'importance de donner des exemples dans l'enseignement. Et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. C'est un exemple explicite. Car s'il y avait un bienfait dans le fait de lever la voix en disant une obscénité, cet animal, l'âme, dont la bassesse et la stupidité sont connues, n'aurait pas été cité de manière spécifique. Voilà donc certains bénéfices tirés de ce passage coranique béni. فهذه بعض الفوائد المستنبطة من هذا السياق المبارك وعلى كل فإن هذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها. وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانت أمرا وإلى تركها إن كانت نهيا. وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة أن العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها فأمره بأصل الدين وهو التوحيد فأمره بأصل الدين وهو التوحيد ونهاه عن الشرك وبين له الموجب لتركه وأمره ببر الوالدين وبين له السبب الموجب لبرهما وأمره بشكره وشكرهما ثم احترز بأن محل برهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية ومع ذلك فلا يعقهما بل يحسن إليهما وإن كان ليطيعهما إذا جاهداه على الشرك وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها ونهاه عن التكبر وأمره بالتواضع ونهاه عن البطر والأشر والمرح وأمره بالسكون في الحركات والأصوات ونهى عن ضد ذلك وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمر كما قال تعالى فحقيق بمن أوصى بهذه الوصايا أن يكون مخصوصا بالحكمة مشهورا بها ولهذا من منة الله عليه وعلى سائر عباده أن قص عليهم من حكمته ما يكون لهم به أسوة حسنة. Toute cette partie que le cheikh a citée ici, c'est tiré d'un tefsir que je recommande, parce que les ulémas le recommandent, et c'est le tefsir du grand savant Abdurrahman Nasser al-Sa'di, rahimahullah. C'est en arabe, il n'a pas été traduit que je sache, il a déjà été traduit en d'autres langues, peut-être en anglais, en turc, etc., mais pas en français. Le français est souvent en retard d'ailleurs. Hein? Une partie peut-être, non. Mais moi je ne connais pas de traduction de tout tefsir al-Sa'di. D'accord? C'est le cheikh de Cheikh al-Uthaymeen. Abdurrahman Nasser al-Sa'di, un grand imam de la communauté, il a écrit un tafsir qui est très facile. C'est un tafsir bil-ma'na, c'est-à-dire qu'il te donne le verset directement le sens du verset. N'importe qui peut le comprendre. Il se vend d'ailleurs en plusieurs volumes, il se vend aussi en un volume, avec la page du Coran au milieu et l'explication autour. C'est ce genre de tafsir qu'on doit lire, terminer, refaire, Inch'Allah. Hein, parce qu'il est très facile à comprendre, et c'est important qu'au moins, on se pose la question, est-ce qu'au moins une fois on a terminé les tafsirs du début à la fin, pour savoir au moins une fois qu'est-ce que le Coran veut dire. D'accord ? Et toute cette partie-là qu'il a citée, et vous voyez le style magnifique, Cheikh Saïd Rahman était très éloquent dans sa parole. Pour les frères arabophones, tous ses livres, ils ont été publiés en une compilation, 26 volumes. Elle est très difficile à trouver, très difficile, mais elle existe. Une édition du Qatar et une édition saoudienne aussi. Tous les livres d'Abd al-Rahman Nasser Sa'di Rahimahullah, dans le Shur, vous l'entendez, il le cite beaucoup, Cheikh Awel le cite beaucoup, Cheikh Al-Uthaymin, c'est le Cheikh de Cheikh Al-Uthaymin. Il y a des magnifiques histoires entre lui et son Cheikh, Cheikh Sa'di Rahimahullah. Et puis il dit le Cheikh, wa as'alullah jalla wa ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yanfa'ana bima 'allamana wa yaj'ala ma nata'allamu hujjatan lana la 'alayna an yarzuqana al-'ilma an-nafi'a wal-'amala as-salih. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لقمان الحكيم خير الجزاء وأن يغفر لنا وله للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم. الشيخ دي voilà donc certains bénéfices tirés de ce passage coranique béni. Puis cite une parole de l'imam Abd al-Rahman Nasser al-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit. D'ailleurs, un petit poème que je vous recommande. Alhamdulillah qu'on a pu faire avec un cheikh qui s'appelle Cheikh Mustafa Mabram. C'est une mandoma qui est magnifique. Les arabophones peuvent la mémoriser très facilement. Hein? Elle est très courte. Ça s'appelle Mandoma Tessiri l'Allah wa Dari l'Akhira. Un poème sur l'avancement vers Allah et le jour du jugement dernier. Il y a beaucoup. Et justement, le poème commence Sa'id al-Ladina Tajab al-Nabu Subul al-Rada. Wa Tayamamu li Manazil al-Ridwani, etc. Il décrit As-Su'ada, ceux qui sont bienheureux. Ladina Tajannabu Subul al-Rada, qui sont écartés des voies du mal, jusqu'à la fin du poème. Et puis il rapporte des manazil, des degrés sur cet avancement vers Allah le jour du jugement dernier. Et des caractéristiques de ces gens-là. Je vous la recommande, Inch'Allah, de la lire. Les recommandations de Luqman à son fils regroupent les sagesses originelles. Donc ça, c'est la parole de qui ici ? Et même Sa'di Rahimahullah, on est d'accord. Les recommandations de Luqman à son fils regroupent les sagesses originelles qui impliquent d'autres sagesses qui n'ont pas été citées ici. Chaque recommandation doit être jointe à ce qui appelle à sa mise en application si c'est un ordre et son délaissement si c'est un interdit. Ceci indique ce que nous avons vu quand on a expliqué la sagesse comme étant la science des jugements et leur sagesse et leurs circonstances. Il lui a commandé à son fils. Vous voyez en fait que le chef fait quoi? Un résumé de ce qu'on a vu. C'est une partie de son bon enseignement, ça. Il lui a commandé à son fils de vouer l'adoration exclusive à Allah. Et dans mon métier, je suis enseignant, des fois on a des formations par rapport à l'enseignement, tout ça. Tout ce que j'entends, j'ai dit, Charles Rafim, il le faisait déjà. Charles Zakhle Badab le faisait déjà. Dire un frère qui est spécialiste dans l'éducation, il a dit, Ali, j'ai jamais vu. Pourtant, le frère, il a étudié à l'université, il a beaucoup étudié sur l'enseignement, etc., les théories des koufars, etc. Il dit, jamais vu, ni parmi les contemporains, etc., une méthodologie comme celle de Cheikh Al-Uthaymin. Beaucoup des choses qu'ils apprennent à l'université, lui, il les connaissait déjà parce que Cheikh Al-Uthaymin les met en application. Cheikh Al-Uthaymin, par rapport à beaucoup de caractéristiques dans ses... Pour les gens qui ont écouté, qui ont l'habitude d'écouter ses cassettes, ils vont comprendre. Et les Cheikh en général, regardez l'enseignement aussi du Cheikh. À la fin, il te fait un sommaire. Il te rappelle en résumé qu'est-ce qui a été vu. Il dit, il a commandé à son fils de vouer l'adoration exclusive à Allah et lui a interdit de lui associer quoi que ce soit. Il lui a montré ce qu'implique le délaissement de l'unicité. Il lui a commandé d'obéir aux parents et lui a indiqué ce qui rend obligatoire cette obéissance. Il lui a commandé d'exprimer sa gratitude envers lui, Allah, et envers ses parents. Puis il a mis comme restriction à l'obéissance aux parents que ce ne soit pas dans la désobéissance à Allah. Mais que malgré tout, ils ne devaient pas en tout leur désobéir. Mais de plus, ils devaient quand même être bienfaisants à leur égard. Même s'il lui commande de donner des associés à Allah, et il lui a commandé de craindre Allah, et lui a fait peur en lui rappelant qu'il retournerait vers lui, vers Allah, et qu'Allah ne laisserait ni petite chose, ni grande chose en bien, sans qu'il ne la fasse venir le jour du jugement dernier. Il lui a interdit d'être arrogant, il lui a commandé d'être modeste, et lui a interdit la pétulance, l'insolence, l'arrogance dans la démarche. Il lui a commandé d'être calme dans les paroles et les actions, et lui a interdit le contraire. Il lui a ordonné de commander le convenable et d'interdire le blâmable, et de s'acquitter de sa prière, et d'être patient. C'est deux choses par lesquelles tout devient facile, comme Allah l'a dit. Celui qui a fait ses recommandations mérite certes d'être cité de manière spécifique quant à sa sagesse, et d'être célèbre pour cette sagesse. C'est pour ça qu'il fait partie des bienfaits d'Allah sur lui, le Rahman, et sur tous ses serviteurs, qu'il leur a compté de sa sagesse, ce qui sera pour eux un bon exemple à suivre. Puis le cheikh termine par une dua. Je demande à Allah, le Très-Haut, par ses noms exemplaires et ses attributs, de nous faire bénéficier de ce que nous avons appris, et qu'il fasse que ce que nous avons appris soit une preuve pour nous et non contre nous, et qu'il nous donne la science bénéfique et l'action vertueuse. Et je demande à Allah, le Très-Haut, qu'il récompense Luqman, le sage, de la meilleure des récompenses, et qu'il nous pardonne ainsi qu'à lui, ainsi que tous les musulmans et toutes les musulmanes, et aux croyants et aux croyantes, les vivants parmi eux et les morts. Il est certes très pardonneur, le très de tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, est le plus savant, et que la prière d'Allah et son salut soit sur notre prophète Mohammed, ainsi que ses proches et tous ses compagnons. Wa jazakumullahu khaira. Subhanahu wa ta'ala, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pour les frères qui veulent les notes, elles sont disponibles en un dossier sur notre site spfvermigam.com. Tout ce qu'on a dit, c'est disponible en notes. Vous le téléchargez gratuitement, hein, sur le site. Vendredi. Demain, Inch'Allah, c'est après le Mourlob ici. Normalement, ici après le Mourlob, demain, Inch'Allah, parce que normalement je dois aller dans une autre ville, pas pour Darwa, mais juste pour visiter quelqu'un. Et après, normalement, on devrait être de retour à Alès avant le Mourlob. Donc pour le Mourlob, on essaie de faire un cours ici, demain, Inch'Allah, après le Mourlob. Et le titre, on laisse ça en suspens, Inch'Allah. Inch'Allah, on verra.